Bonjour, c'est Fabrice Drouel. Je vous propose, en attendant de revenir très vite avec des épisodes inédits d'Affaires Sensibles, bien sûr, de redécouvrir les fameux rendez-vous avec X. Cette émission culte de Patrick Penaud va vous permettre de pénétrer dans de nombreuses affaires sensibles dans les coulisses des services secrets français. Rendez-vous avec X, Patrick Penaud. En principe, le dossier est judiciairement clos, puisque le suspect numéro 1 a eu le bon goût de se donner la mort avant d'être mis en cause, certes. Mais il n'empêche que de nombreuses questions demeurent sans réponse, et surtout, il reste que cette affaire de l'anthrax, qui a semé une vraie panique aux États-Unis tout juste après le traumatisme du 11 septembre 2001, a soulevé le voile sur un certain nombre de pratiques inquiétantes, et peut-être même sur l'existence d'une véritable multinationale des armes biologiques. Mais, comme dirait Monsieur X, n'allons pas trop vite. C'est donc à l'automne 2001 que l'Amérique a découvert cette nouvelle forme de terrorisme, l'envoi postal de lettres contenant des spores d'anthrax, un bacille particulièrement dangereux. 5 personnes en sont mortes et plusieurs autres ont été contaminées. Le FBI lance aussitôt une gigantesque enquête qui va mobiliser 1000 agents pendant plusieurs années. Des suspects vont être désignés, puis innocentés. Et puis après 2008, l'affaire finit par être oubliée. Une curieuse amnésie après une si grande psychose. Mais surtout, cette affaire de l'anthrax va permettre à George Bush Jr. d'accuser Saddam Hussein et donc d'envahir l'Irak, avec les conséquences que l'on connaît. Monsieur X, lui, n'a pas oublié. Dans un instant, il raconte. This is a regional issue. I say regional issue because there's a lot of countries that have got a direct stake into whether or not there's a lot of countries that have got a direct stake into whether or not North Korea has nuclear weapons. We've got a stake as to whether North Korea has a nuclear weapon. China clearly has a stake. Whether or not North Korea has a nuclear weapon. North Korea has nuclear weapons. Nuclear weapon. Rendez-vous avec X. Un mot d'abord. L'anthrax est une dénomination purement américaine. Chez nous, c'est la maladie du charbon. Et de quoi s'agit-il exactement, non ? C'est d'abord une infection cutanée, provoquée par un staphylocoque, le bacille du charbon. Ouais, le charbon à cause de l'aspect noirâtre des plaies. C'est hein ? Ça. Ouais. Principalement, ce bacille sévit chez le bétail, et c'est une maladie connue depuis l'Antiquité. Mais ce bacille a une redoutable propriété. Il peut se transformer en une minuscule spore, et sous cette forme, il est très résistant et survit des décennies dans le sol en particulier. Si ces spores sont inhalées ou avalées, elles déclenchent une infection pulmonaire ou intestinale qui tue un individu en très peu de temps. Ouais. Et alors, c'est pourquoi on a pensé en faire une arme biologique. Ah, bien sûr. Parce que la dispersion dans l'atmosphère de ces spores très résistantes peut avoir de redoutables effets. Je simplifie. Évidemment, car il faut préalablement procéder à de minutieuses préparations avant une éventuelle utilisation comme arme biologique. Ouais. Où est née cette idée néfaste? Avant même la Seconde Guerre mondiale, sans doute au Japon, au sein de cette sinistre unité 731 du docteur Shiro Ishii, dont nous avons parlé il y a peu de temps. Ouais. Et ces médecins de la mort, et vous dit, ont procédé à des expérimentations sur l'homme. Ah oui, car ils disposaient d'autant de cobayes qu'ils le voulaient. Des prisonniers, par exemple, ou les populations des pays occupés. Mais enfin, je vous l'ai dit, ces scientifiques japonais ont effectué des recherches sur plusieurs maladies pouvant donner lieu à des armes biologiques. Mais c'est vrai que le bacille du charbon était parmi les microbes les plus prometteurs, si j'ose dire. Ouais. Et ailleurs qu'au Japon? Aux États-Unis. Des laboratoires militaires ont été ouverts durant la Seconde Guerre mondiale, en particulier à Fort Detrick, dans le Maryland. Et si les Américains se sont lancés, c'est qu'ils ont vraisemblablement obtenu des renseignements sur l'ampleur du programme japonais. Ouais. Et ensuite, après la guerre, ils vont mettre la main sur les recherches effectuées par Ishii. Hein. Quitte à abandonner les poursuites contre les criminels de guerre de l'unité 731. Mais toujours, pendant la Seconde Guerre mondiale, les Britanniques ont également étudié cette question. Ils auraient même fabriqué 5000 bombes à anthrax en collaboration avec les Américains et les Canadiens. Mais heureusement, ces engins n'ont jamais été utilisés, à l'exception d'une expérimentation animale sur une île écossaise, Gruinard, une île qui n'a été décontaminée qu'en 1986 quand même. Et ces recherches, alors, se sont poursuivies lors de la guerre froide ? Tant à l'ouest qu'à l'est. Américains et soviétiques, chacun de leur côté, ont militarisé 9 agents mortels. Dont le bacille du charbon. Parfaitement. Mmh. Mais en 1969, le président Nixon décide l'arrêt de la fabrication d'armes biologiques. Une décision qui est suivie en 1972 par l'adoption d'une convention internationale sur l'interdiction des armes biologiques et des toxines. Sont dorénavant prohibés le développement, la production, le stockage, l'acquisition et le transfert des agents biologiques et des toxines. Mmh. Combien de pays adhèrent ? 177 pays signent cette convention. Ouais, mais a-t-elle réellement été respectée ? Ça, c'est autre chose. On va le découvrir à l'occasion de l'affaire de l'anthrax. Les travaux continuent, clandestinement, bien sûr, sous un prétexte parfaitement hypocrite. On ne met pas au point des armes offensives, mais on étudie des systèmes défensifs, des vaccins, par exemple. Et pour les produire, il faut bien disposer de stocks de germes pathogènes. Et avant l'affaire de l'anthrax aux États-Unis, on a eu la preuve que les soviétiques ne procédaient pas autrement. Quelle preuve ? En URSS, on a observé une épidémie inhabituelle de charbon pulmonaire dans la région de Sverdlovsk. Elle a été provoquée par l'explosion d'un bâtiment militaire. Ouais, où l'on produisait des armes biologiques. Et des spores d'anthrax ont été libérés dans l'atmosphère, causant 79 cas d'infection, dont 68 mortels. Naturellement, les autorités soviétiques ont nié, affirmé que l'épidémie a été due à la consommation de viande avariée. Mais en 1992, le président Eltsine a reconnu la vérité. Encore plus préoccupant, il est pratiquement avéré que l'arme biologique a été utilisée en Rhodésie du Sud à la fin des années 70, alors que le pouvoir blanc vivait ses derniers moments. Oui, il était alors confronté à la rébellion des indépendantistes noirs. Oui, les forces spéciales rhodésiennes, les sinistres Selous Scouts, auraient sciemment dispersé le bacille du charbon pour tuer le bétail des tribus africaines. Et affamer les rebelles. Hein. Les résultats ? Ce sera l'une des plus graves épidémies de la maladie de charbon de l'histoire. Elle va durer 2 ans et on recensera plus de 10 000 cas de contamination humaine, dont 182 seront mortels. Et des milliers de bovins devront être abattus. Mais nous reparlerons de l'Afrique australe, vous verrez pourquoi. Alors, venons-en maintenant à l'affaire américaine de l'anthrax. Mmh. Comment a-t-elle commencé ? Elle a commencé avant le début, si vous me permettez ce paradoxe. Ce qui veut dire ? Dans la nuit du 11 septembre 2001, immédiatement après le double attentat contre les tours du World Trade Center, et alors que les premières lettres contaminées ne feront leur apparition que plusieurs jours plus tard, le bureau médical de la Maison-Blanche prend une curieuse décision. C'est-à-dire ? Il fait distribuer du Cipro, un antibiotique très efficace contre le bacille du charbon, à tout le personnel qui accompagne le vice-président Dick Cheney, secrètement transporté à Camp David. Ouais. La Maison-Blanche craignait donc déjà une attaque biologique. Bah, ça en donne l'impression, non ? Mais désolé, je ne peux pas vous en dire plus. Alors, le vrai début, le 4 octobre, Robert Stevens, un éditeur photographique qui travaille pour un journal de Floride, décède en 4 jours de la forme pulmonaire de l'anthrax. Et c'est-à-dire la forme la plus rare. En effet. C'est pourquoi une enquête est diligentée. Dans tous les lieux qu'a fréquenté Stevens. Et d'abord, bien sûr, au siège du journal, où il est établi qu'une lettre ouverte par l'employé chargé du courrier contenait une grosse poudre brunâtre et granuleuse. Poudre qui a été aussitôt jetée à la poubelle. Mais après examen, on trouve que cette poudre contenait des spores du bacille de l'anthrax qui se sont répandus dans la pièce et sur tous les objets. Puis on va découvrir que ce premier courrier fait partie d'une première série de lettres contaminées envoyées le 18 septembre 2001 à d'importants médias, dont les trois grandes chaînes de télévision nationales. Ouais. Alors là, c'est immédiatement la panique. Hein. Oui, oui, d'autant que ce qui ressemble à une attaque biologique survient dans un pays qui vit sous le choc du double attentat contre les tours jumelles de New York. Les lettres portent le cachet de la petite ville de Trenton, dans le New Jersey. Deux d'entre elles contiennent un étrange message écrit en majuscules. 11-9-2001. Prenez de la pénicilline tout de suite. Mort à l'Amérique, mort à Israël, Allah est grand. Ah oui. Il y aurait donc apparemment une filiation avec les attentats de New York. Bah, ça semble logique et les enquêteurs pensent à Al-Qaïda et au pays qui aurait pu lui fournir des armes biologiques. À commencer par l'Irak, qui a déjà produit des armes biologiques et chimiques. L'Irak qui est déjà dans le collimateur des néo-foncons de la Maison-Blanche, qui veulent absolument destituer Saddam Hussein. Pourtant, un détail étonne. Oui, cette recommandation de prendre de la pénicilline. Hein. Ah oui, parce que ça ne ressemble guère aux pratiques des terroristes islamiques qui ne se soucient guère de sauver leurs victimes. Puis on assiste à une deuxième vague d'envoi de lettres contaminées. Deux enveloppes envoyées depuis la même ville et la même boîte postale le 8 octobre 2001. Donc, à peu près au moment où la mort de Stevens est révélée dans les médias. Et d'où la grande émotion du public. Les destinataires sont cette fois des politiques. Patrick Leahy, sénateur du Vermont et chef de la commission judiciaire du Sénat. Mais cette lettre ne sera jamais ouverte, car elle a été mal adressée. Et on ne la retrouvera qu'un mois plus tard au département d'État. L'autre destinataire est Tom Daschle, sénateur, lui aussi, et chef de la majorité du Sénat. Toutefois, le produit glissé dans l'enveloppe ne ressemble pas à celui des premiers envois. Il s'agit d'une poudre blanchâtre, si fine et si légère, qu'elle flotte un moment dans l'air avant de se déposer ou d'être absorbée dans les climatiseurs. Ah oui, alors les spores vont donc être diffusés dans tout le bâtiment ? Oui, car l'alerte est donnée trop tard. On doit donc ordonner une évacuation totale du personnel. Autre point inquiétant, il s'avère que la poudre est si fine que les spores sont susceptibles de traverser l'enveloppe des lettres. Par conséquent, ces spores, qui devaient se compter par milliards, ont dû également contaminer tous les endroits par lesquels les lettres sont passées. Et d'abord les centres de tri postaux, non ? Ce qui a été effectivement le cas. Alors avant d'aller plus loin, arrêtons-nous un instant sur le bilan de ces deux attaques. On va compter 22 victimes, vivant tous sur la côte Est, dont 11 cas de charbon cutané et 11 de charbon pulmonaire. Ouais, le plus grave. Hein. Et qui provoqua la mort de 5 personnes, dont 2 postiers. Au total, la décontamination des bâtiments publics et de 24 bureaux de poste coûtera plus $1 milliard. Il n'y aura plus d'autres envois ? Non, mais ça a déclenché une panique totale dans le pays. Des milliers de lettres remplies de produits inoffensifs sont suspectées et les autorités doivent procéder à une distribution massive d'antibiotiques spécifiques. Dans son savant ouvrage « L'histoire secrète des guerres biologiques », le chercheur Patrick Bersch consacre un long chapitre à l'affaire de l'anthrax. Extrait. Survenant juste après l'attentat du 11 septembre 2001, l'agression délibérée utilisant le bacille du charbon plonge le gouvernement dans le plus grand désarroi. Le président George W. Bush y voit aussitôt la main d'Al-Qaïda, d'autant que les textes manuscrits des lettres comportent des connotations islamistes. Un laboratoire des talibans en construction est opportunément découvert dans une grotte de montagne proche de Kandahar. Un rapprochement est aussi opéré avec les questions qu'aurait posées l'un des pilotes kamikazes du World Trade Center sur l'utilisation des avions de société d'épandage de pesticides. La Maison-Blanche lance des accusations tous azimuts contre les islamistes et leur soutien supposé. L'Irak est suspecté d'être le fournisseur des talibans et on publie une liste noire incluant la Syrie, l'Iran, la Libye et la Corée du Nord. Pourquoi pas Cuba, état voyou, accusé de pouvoir produire le bacille mortel. La Maison-Blanche semble déjà justifier sa stratégie planétaire d'intervention préventive et de guerre contre le terrorisme. Les frappes aériennes commencent en Afghanistan début octobre 2001 avec intervention des forces spéciales sur le terrain. Dans les premières semaines, les autorités états-uniennes éprouvent des difficultés à coordonner les nombreuses structures impliquées, les CDC, les centres de contrôle des maladies et surtout les laboratoires ultra-secrets du Pentagone sur les armements biologiques, dont Fort Detrick, qui n'ont aucune envie de voir leurs petits secrets divulgués dans les médias. Parce que, bien souvent, leurs chercheurs travaillent à la limite de la légalité. D'où la mise en place fin novembre du Homeland Security Act, qui crée un nouveau département de la sécurité intérieure doté d'un budget de près de 30 milliards de dollars. Ce qui est considérable. Hein. Et cette nouvelle structure est invitée à collaborer avec les industriels du secteur pharmaceutique afin de développer des vaccins et des médicaments contre les agents infectieux. Ça va leur apporter des milliards de dollars. Ah bah, cette histoire n'est donc pas négative pour tout le monde. Hein. On en reparlera peut-être. Alors, l'enquête maintenant. Bon, vous le savez sans doute, Ameritrax, son nom de code, va mobiliser un bon millier d'agents du FBI. Assez rapidement, et malgré les diatribes de Bush, la piste Al-Qaïda est écartée. De la même façon, l'origine étrangère de l'attaque n'est pas jugée plausible. Et pourtant, la Maison-Blanche continuera à prétendre que l'Irak persiste à fabriquer des armes biologiques, d'où la trop fameuse démonstration de Colin Powell, là devant l'Assemblée générale de l'ONU, avec un flacon censé contenir des bacilles d'anthrax. Ah oui, vous avez raison, mais après l'invasion de l'Irak, on n'y découvrira nulle trace d'armes de destruction massive, pour une simple et bonne raison. Précédant les inspections de l'ONU, Saddam Hussein a ordonné leur destruction, enfin poursuivant. C'est donc à l'intérieur des États-Unis même qu'il faut chercher. Le terrorisme intérieur, oui. Les enquêteurs pensent à des extrémistes semblables à ceux qui ont commis le terrible attentat d'Oklahoma City en avril 1995. Mais ils abandonnent vite cette piste. Et pour quelle raison ? Parce que la production des spores transportés par les lettres a nécessité une grande expertise en microbiologie. Ne serait-ce que pour les purifier, les sécher, afin de les rendre plus volatiles, sans les tuer. C'est pourquoi enquêteurs et experts en ont conclu que le terroriste travaillait vraisemblablement pour l'un des laboratoires ultra-secrets de l'État. Et des laboratoires de l'armée, donc. Oui, parce que selon un éminent spécialiste, ces spores hautement purifiés avaient été militarisés. Militarisés, il faut m'expliquer. Bah, ce spécialiste voulait dire qu'elles avaient été préparées pour servir d'armes biologiques. Ouais. Ce qui signifiait donc que dans certains de ces laboratoires américains, en dépit de l'interdiction internationale, on continuait à concevoir des armes de cette nature. Bah, ça me paraît évident. Et ce scientifique a ajouté à peu près ceci. Seuls des laboratoires ayant une connaissance approfondie des procédés militaires et des équipements avancés peuvent produire de tels spores. Et on va en avoir une preuve en novembre 2001. La souche du bacille de l'anthrax trouvée dans les deux enveloppes est identifiée, appelée EMS 0581, Elle appartient à une souche très virulente isolée au Texas, sur le cadavre d'une vache morte du charbon, en 1981, et qui a depuis été largement utilisée par les scientifiques de Fort Detrick dans le programme de défense contre les armes biologiques. La piste d'un laboratoire militaire se confirme. D'autant qu'on apprend que les spores des lettres du deuxième envoi ont été agrégés à du silicium. Cette technique, qui permet d'obtenir une poussière très fine, est une particularité propre à l'anthrax développée dans les laboratoires militaires. Devant de telles évidences, le Pentagone doit reconnaître qu'il produit de l'anthrax militaire en poudre issu de la souche Ames, dans l'un de ses centres secrets situés dans le désert de l'Utah. Ça, c'est un véritable aveu. Et à partir de ce moment, il faut parler de l'action d'une femme particulièrement pugnace, Barbara Rosenberg. Et qui est-ce? Cette ancienne collaboratrice de la Maison-Blanche est la responsable du programme de contrôle des armes biologiques de la Fédération des scientifiques américains. C'est elle, la première, qui affirme que l'attaque n'a pu être perpétrée que par un scientifique de son pays. Elle va même plus loin, puisqu'elle assure que le coupable a participé ou participe encore au programme militaire prétendument de prévention contre les armes biologiques. Et elle émet une hypothèse. C'est un chercheur à la personnalité affirmée qui veut démontrer par son geste l'utilité de ses travaux. Je veux bien, moi, un chercheur un peu dérangé quand même. Et elle ajoute, il n'y a qu'une douzaine de suspects ayant un tel profil parmi plus de 100 personnes travaillant pour les militaires et ayant accès à cette arme biologique du fait de leur accréditation et de leurs compétences. Enfin, en mars 2002, Barbara Rosenberg, toujours elle, révèle que l'armée avait conçu un projet secret visant à tester l'envoi d'anthrax par courrier. Ça, c'est encore plus troublant, hein. Parallèlement, même si c'est anecdotique, un expert en profilage de criminels auprès du FBI rédige un portrait type du supposé coupable. Je résume. Après les attentats du 11 septembre, ce chercheur américain a l'intuition que l'ennemi passera des avions suicides aux attaques biologiques. Estimant que son pays est mal protégé pour faire face à un tel événement, il passe à l'action et décide d'alerter la nation. Il décide d'envoyer ses enveloppes bourrées de spores. Ah oui, mais il met en garde les destinataires en leur recommandant de prendre des antibiotiques. Après cette alerte, les guerriers américains de la biologie obtiendront les moyens, le respect et la reconnaissance qu'ils méritent. Ouais, c'est tordu, mais enfin, au fond, assez réaliste, sauf sur un point essentiel quand même, hein. Ce type n'aurait pas prévu le dégagement intempestif des spores lors de l'ouverture des lettres, alors qu'il est censé être un spécialiste. Vous avez raison. C'est pourquoi ce profilage demeure tout de même fantaisiste. Et l'enquête du FBI, alors, progresse-t-elle? Au cours de l'été 2002, le FBI se décide enfin à concentrer ses recherches sur les quelques dizaines de scientifiques mêlés au programme militaire secret. Et parmi eux, les enquêteurs s'intéressent d'abord à deux chercheurs d'origine étrangère, un Pakistanais et un Égyptien, mais sans résultat. Puis ils ciblent un certain Perry Maxwell, un microbiologiste de l'Ohio, un spécialiste du charbon. L'enquête est plutôt rude, interrogatoire incessant, filature, perquisition, fuite délibérée dans la presse. Ouais, ça ressemble à du harcèlement, ça. C'est si vrai que la femme de ce suspect craque et le quitte. Lui-même devient alcoolique au dernier degré, à tel point qu'il en meurt en octobre 2002. Ouais. Sorte de suicide? Oui, alors que rien n'a établi sa culpabilité. Et les agents du FBI vont récidiver avec un autre homme, le docteur Berry, qui lui aussi va voir son couple sombrer et sa carrière brisée, malgré la reconnaissance de son innocence. Ça fait peur, hein? Oui, parce que ça se passe trop souvent sous les caméras des télévisions. Mais il faut aussi comprendre que les enquêteurs du FBI travaillent eux-mêmes sous pression. La Maison-Blanche veut des résultats. Et enfin, en juin 2002... les agents fédéraux pensent avoir trouvé leur homme. Le docteur Stephen J. Hatfield travaille à Fort Detrick, où il est accrédité secret défense. Ce biologiste de formation est un original, plutôt mythomane. Oui, c'est peut-être ce qui met le FBI sur sa piste. Ça et une vie peu ordinaire où il est difficile de démêler le vrai du faux. Il est parti assez tôt en Afrique australe. D'abord en Rhodésie, où il fait sa médecine. Puis en Afrique du Sud, où il passe plusieurs certificats de microbiologie tout en exerçant dans un cabinet de radiologie. Mais certains de ses diplômes paraissent douteux. Autre aspect troublant, il aurait intégré une unité des Salos Scott que j'ai évoqué tout à l'heure. Oui, ces paramilitaires là, qui auraient répandu de l'anthrax pour tuer le bétail des rebelles. Oui, à son retour aux États-Unis, il fait tout son possible pour être engagé à Fort Detrick, car il éprouve une véritable passion pour le domaine des armes biologiques. D'ailleurs, Hatfield n'hésite jamais à s'exprimer sur le sujet. En 1997, par exemple, il publie dans le Washington Times un article sur le bioterrorisme où il élabore un scénario qui, étrangement, décrit à peu près ce qui se passera 4 ans plus tard. Et dans un magazine, il pose dans sa cuisine, déguisé en bioterroriste, censé préparer une attaque de virus de la peste. Ouais, on comprend mieux que son profil intéresse le FBI. Hein. En effet, car de nombreux autres aspects en font un suspect idéal. Et fin juin 2002, le FBI passe à l'action. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Une nouvelle fois, je reviens vers le livre de Patrick Berge sur l'histoire secrète des guerres biologiques. Dans cet extrait, l'auteur explique pourquoi l'enquête a longtemps stagné. Pour quelle raison le FBI traîne-t-il des pieds? Où mènerait la piste? Cherche-t-on à dissimuler des recherches secrètes poursuivies à Fort Detrick ou dans les laboratoires du Pentagone ou de la CIA en dépit de la Convention internationale interdisant les armes biologiques? Pourquoi le président Bush refuse-t-il tout contrôle extérieur? Quels secrets inavouables dissimulent la mise en scène de cette sombre affaire? La question est posée. Les États-Unis maintiennent-ils secrètement un programme militaire offensif en violation avec leurs engagements internationaux? Fin juin 2002, le domicile de Stephen Hatfield, près de Fort Detrick, est perquisitionné en son absence. Déjà, les médias qui ont bénéficié d'informations sont à l'affût. Ces informations C'est bien sûr le FBI qui a organisé ces fuites, car il faut faire craquer le bonhomme. Et un mois plus tard, une deuxième perquisition est conduite alors que les caméras de télévision cernent en direct le domicile du suspect. Les réactions de Hatfield alors Il se rebiffe. Au cours d'une conférence de presse, il affirme être un patriote convaincu et proteste contre le viol de sa vie privée. Et finalement, en absence de preuves, le FBI abandonne cette piste. Mais Hatfield, lui, n'en reste pas là. Et il obtiendra un dédommagement de presque 6 millions de dollars. Cependant, si le FBI s'est incliné, c'est que ses agents s'attaquent à une autre piste. Et celui-là s'appelle Bruce Evans. Qui est-ce ? C'est un chercheur d'un certain âge, respecté et couvert d'honneur. Il a en particulier déposé 2 brevets sur le bacille du charbon. Et en 2003, il a reçu la plus haute distinction décernée par le Pentagone pour la conception d'un vaccin. Détail notable, Evans a été l'un des premiers experts sollicités par la FBI dans le cadre de l'enquête Ameritrax. Mais dans le courant de l'année 2006, il est soudain passé du statut de conseiller à celui de suspect. D'un seul coup? Pas tout à fait, car il semble qu'il ait été surveillé dès 2002. Ouais, mais alors discrètement. Et pourquoi le soupçonne-t-on alors? Il a été procédé au séquençage du génome complet de la souche du bacille de l'anthrax impliquée dans l'attaque. Oui, afin d'obtenir une signature génétique. C'est ça. Et après avoir examiné plus de 1000 échantillons provenant de laboratoires universitaires et gouvernementaux aux États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne et en Suède, les experts ont découvert que seules 8 souches correspondaient. Or, 7 d'entre elles provenaient d'un lot produit en 1997 à Fort Detrick et stocké sous la responsabilité de Bruce Evans. D'accord, mais était-il le seul chercheur à avoir accès à ces souches de bacilles? Non. Une centaine d'autres chercheurs pouvaient y avoir accès. Mais le FBI affirme avoir écarté peu à peu ces scientifiques grâce à de minutieuses enquêtes de police. Ah oui, alors seul est resté Evans. C'est ça. Autre indice. En expertisant les enveloppes, des envois postaux, le FBI a découvert qu'elles avaient été vendues en 2001 en quantité limitée, dans un nombre restreint de centres postaux du Maryland et de Virginie, non loin de la résidence de Bruce Evans. D'autre part, les enquêteurs ont observé que l'emploi du temps du chercheur entre septembre et octobre 2001 était suspect. Pendant cette période, il aurait en effet passé plus de 45 heures supplémentaires dans son laboratoire. Et il aurait emprunté à ses collègues un lyophilisateur. Or, le coupable a certainement utilisé un tel appareil. Hein. Pour dessécher les spores et en faire une poudre. Ouais. S'ajoutent à ces indices des faits curieux. Au début de l'enquête, Evans aurait fourni des échantillons de la souche Ems inutilisables, comme s'il avait voulu freiner les investigations. Et puis, pourquoi s'est-il immunisé contre l'anthrax au début du mois de septembre 2001 ? Ça ne me semble pas étonnant, puisqu'il travaillait sur cet agent pathogène, il était logique qu'il prenne des précautions. Hein. Peut-être, mais pourquoi justement en septembre 2001 ? Enfin, les psychologues du FBI ont estimé que Bruce Evans avait une personnalité fragile et qu'il alternait épisodes dépressifs et paranoïaques. Ouais, ça fait beaucoup, mais attendez, son mobile. Ah ben, le FBI en a trouvé un. Le chercheur aurait craint que le programme de son vaccin contre l'anthrax soit annulé. À l'époque, le Congrès américain était justement en train de discuter des risques sanitaires liés à l'emploi de ce vaccin. Oui, il y avait donc un faisceau d'indices. Oui, mais malgré des mois d'enquête, aucune preuve n'a pu être établie contre Evans. Et lui-même a toujours protesté de son innocence, malgré la pression à laquelle il a été soumis par les agents du FBI. En effet, rien ne lui a été épargné et sa santé en a été très affectée. Ce traitement a eu une conséquence dramatique. Fin juillet 2008, alors que le FBI venait de lui annoncer qu'il allait bientôt être inculpé, Bruce Evans a absorbé une dose massive de médicaments et il est mort. Et ce suicide pourrait passer pour une preuve de culpabilité, hein ? Peut-être, mais on peut faire dire n'importe quoi un suicide. Ne se serait-il pas plutôt donné la mort pour échapper aux méthodes inquisitoires des agents du FBI ? En tout cas, quelques jours seulement après la mort d'Evans, le département américain de la justice s'est empressé de clore le dossier. Le mystère était résolu, c'était Bruce Evans le coupable. C'est ce qu'a déclaré le procureur fédéral du district de Columbia. En nous fondant, a-t-il dit, sur la totalité des preuves réunies contre lui, nous sommes sûrs que le docteur Evans était la seule personne responsable de ces attaques. Oui, une conclusion qui arrangeait bien du monde. Hein. Et d'abord, les autorités états-uniennes qui voulaient en finir avec cette affaire interminable. Et ensuite, la direction du FBI, qui ne cessait d'être harcelée par la Maison-Blanche. Mais ça n'a pas mis fin aux interrogations sur cette affaire. Bien évidemment, les avocats d'Evans ont dénoncé les conclusions du FBI, mais ils n'ont pas été les seuls. De nombreux collègues de Bruce Evans ont exprimé leurs doutes sur la culpabilité du chercheur. D'autres ont souligné que cette trop longue enquête avait été plus que bâclée, en dépit du fait que des milliers de gens avaient été interrogés et même suspectés à tort. Vous avez des exemples, hein ? Bien sûr. Il y a le cas de cet écrivain, William Volman, qui était déjà dans le collimateur du FBI lors de l'affaire du terroriste Una Bomber. Eh bien, il a découvert avec stupéfaction que son nom figurait aussi dans les fichiers du service fédéral à l'occasion de l'enquête Ameritrax, ce qui lui a valu d'être longuement retenu et interrogé par les services de l'immigration à deux reprises lorsqu'il a passé la frontière de son pays. Il faut aussi noter que cette affaire, qui avait soulevé une grande émotion aux États-Unis, a été soudain oubliée. Ouais, si je me souviens bien, on a même parlé alors d'amnésie collective. Hein, c'est juste. En tout cas, pour revenir à Evans, cette thèse de l'action d'un chercheur déséquilibré avait aussi un autre mérite. Ben, expliquez-la. Ça permettait de faire le silence sur un certain nombre de faits très préoccupants. Par exemple, sur les liens très étroits qui avaient existé entre les spécialistes sud-africains de la guerre bactériologique et leurs collègues américains. Et plus largement sur les programmes secrets développés malgré les conventions internationales. Mais parlons d'abord de l'Afrique du Sud. Là-bas, au temps de l'apartheid, sévissait un certain Wouter Basson. Oui, le docteur Lamort, hein, comme on l'a appelé. Hein. Et vous vous souvenez, car c'est un sujet que nous avons abordé autrefois, que ce médecin dévoyé avait travaillé un programme nommé le projet COAST. Oui, il s'agissait de fabriquer des poisons chimiques ou bactériologiques destinés à contrôler le développement démographique de la population noire. Ouais. En provoquant sa disparition ou sa stérilisation. On avait alors parlé de bombes raciales, des armes qui n'auraient ciblé que les Noirs. Eh bien, il est certain que Basson était en relation avec des chercheurs en biologie américains ou britanniques. David Kelly, ça vous dit quelque chose? Oui, c'était le savant britannique qui, à plusieurs reprises, l'a conduit des inspections de l'ONU en Irak. Hein. Afin de vérifier si, oui ou non, Saddam Hussein était encore en possession d'armes biologiques. Kelly était l'un des meilleurs spécialistes internationaux de cette question. En 1989, quand l'un des plus grands biochimistes de l'URSS, Vladimir Pasechnik, avait fait défection. C'est Kelly qui a été chargé de le débriefer et l'a ensuite encouragé à travailler en Grande-Bretagne. Mais je reviens à ce que je disais. Kelly, c'est sûr, a été en relation avec Wouter Basson. Donc il n'y aurait rien de ses recherches. On peut le penser. Comme on peut imaginer qu'il existait des connivences entre tous ces scientifiques qui travaillaient sur les mêmes sujets. Mais c'était aussi un domaine dangereux. Quoi, à cause des matériaux qu'ils manipulaient? Pas seulement. Ce russe, Pasechnik, qui avait fait défection, connaissait forcément la vérité sur les recherches effectuées dans son pays. Est mort subitement, un peu après les attaques à l'anthrax aux États-Unis. Crise cardiaque, a-t-on dit. Mais on n'a pas jugé bon de pratiquer une autopsie. Quant à Kelly, ben vous connaissez sa fin. Oui, officiellement, il s'est suicidé en 2003. Hein. Hey, mais un suicide improbable, si j'ose dire. Lui, il savait que son gouvernement avait menti pour entrer en guerre en Irak aux côtés des Américains. Et il menaçait de le révéler. Alors on l'aurait fait taire. C'est ce que pensent nombre de ses amis qui espèrent que l'enquête sera rouverte un jour. Cependant, avant de terminer sur cette affaire de l'anthrax, opérons comme dans les meilleurs romans policiers et cherchons à qui le crime a profité. Ah ben je vous écoute. Ma réponse sera chiffrée. On a observé aux États-Unis une considérable augmentation des fonds destinés à la recherche sur les armes biologiques dans les laboratoires militaires et privés. En 1998, ces sommes étaient estimées à 91 millions de dollars. Elle passe presque à 3 milliards en 2001 et 5 milliards et demi en 2008. Ouais, qu'en concluez-vous? Ah ben, je vous laisse ce plaisir, monsieur Pénaud, mais avouez que c'est troublant.